Le père de Sainte Thérèse par Céline. Le père incomparable. Très gai de caractère, il savait épanouir la vie au foyer. Il possédait tout un répertoire de dictons pleins d'esprit, d'historiettes, de vieux refrains qu'il sortait au bon moment, ce qui rendait sa présence des plus agréables. Dans notre intimité des buissonnets, la joie saine et vraie rayonnait à tout instant. Nous nous suffisions pour nous divertir et ne sortions point de notre vie familiale, sinon pour quelques soirées au cercle catholique. Mais c'était rare. Animateur sans égal, il savait se mettre à notre portée, s'intéressant à nos jeux d'enfants, comme jadis Henri IV et Napoléon pour les leurs. Tantôt il faisait rouler savamment de belles billes dorées, ou encore scandait avec ses doigts, sur la table, des marches militaires, avec une mesure impeccable. D'autres fois, il cachait des surprises dans le jardin et suivait nos recherches par ce mot. Tu brûles ou bien, tu glaces. Il tenait très haut un objet hors de notre portée en disant « À la première qui va dire Amen ». J'ai déjà noté qu'il nous fabriquait même des joujoux, car il était très adroit. Le soir, dans notre petite enfance, pour nous amuser, lorsque se trouvait, barrant la rue l'ombre d'un réverbère, il nous prenait dans ses bras, l'une après l'autre, et nous la faisait franchir. Il avait une très belle voix, et nous aimions l'entendre chanter ou déclamer, voire même imiter à s'y méprendre le chant varié des oiseaux. Il m'aimait à la perfection, et Thérèse devait apprendre de lui cet art, dont il convient de le dire qu'elle en usa toujours comme lui, avec tact et charité. Dans les écrits de la sainte, comme dans les lettres de toute la famille, on retrouve des bribes de ses refrains, ou proverbes empruntés à notre père. Beaucoup sont en patois normand ou auvergnat. Il y en avait pour toutes les situations. Il disait ainsi, « Dans les adversités et les chocs de la vie, il faut imiter les bons hommes tombés carabi, se relever après chaque chute et toujours regarder en haut. » Excellent joueur de billard, il déclarait sentencieusement, « Ici-bas nous avons une belle boule à jouer, ou, en y mettant l'accent, la vie de ce monde est un théâtre, chacun y joue son rôle, mon bon. » Est-il étonnant que Thérèse, parlant en mon nom, dans sa poésie ce que j'aimais, ait dit d'un père si exquis, sur ses genoux étant placé avec Thérèse, à la veillée, je m'en souviens, j'y étais longtemps bercé, j'entends encore de son doux chant, l'accent. Au souvenir, tu me reposes, tu me rappelles bien des choses. Les repas du soir, le parfum des roses, les buissonnets pleins de gaieté, l'été. Avec quel bonheur, chaque année, nous fêtions papa à la Saint-Louis. Nous montions au belvédère, orné pour la circonstance de guirlandes et de fleurs. Thérèse récitait un compliment en vers, composé par Pauline. On offrait un modeste présent. Bien entendu, nos carmélites étaient aussi de la fête et envoyaient une missive émue. Le 24 août 1886, Sœur Marie du Sacré-Cœur écrivait, Sœur Agnès de Jésus qui est peintre artiste en miniature et peintre en bâtiment à l'occasion, a écrit dans la cellule de notre mère ce beau passage des psaumes. Le Seigneur conduit le juste par une admirable voie. Il lui sert d'ombrage pendant le jour et lui tient lieu de la lumière des étoiles durant la nuit. Tout ce que je vois de beau, je trouve que cela te convient. L'année 1885, c'est à Vienne, en Autriche, que le 25 août, la petite reine avait adressé ses souhaits poétiques à son papa roi. Celui-ci avait, en effet, entrepris un long circuit à travers l'Europe, pour gagner le Bosphore, puis Jérusalem, et revenir par l'Italie, en compagnie d'un prêtre de la paroisse Saint-Jacques, M. Marie, très amateur, comme lui, de voyage. Ce pauvre petit père s'était laissé tenter par l'attirance des lieux saints et de Rome et nous avait presque demandé la permission de partir. Nos pèlerins durent renoncer, par la suite, à la Palestine et ne purent voir le pape. Pour nous, Si dur que nous fût l'absence de celui qui était vraiment notre joie et notre vie, nous n'avions pu que l'encourager à prendre cette détente, alors qu'il s'oubliait constamment pour nous. Ce cher petit père ne se plaisait-il pas à dire avec une pointe de fierté « Moi, je suis Bobillon avec mes enfants », ce qui signifiait tendre et débonnaire. Tout bas, avec mes sœurs, dans notre vieillesse, nous aimions à redire, nous aussi, que notre Père du Ciel, le bon Dieu lui-même, avait été Bobillon envers nous. Pour compléter ce portrait moral, au risque de me répéter, voici encore un passage de ma déposition au procès de béatification de Thérèse. Mon père avait un caractère d'une grande droiture et simplicité, ce qui lui donnait le type d'un patriarche qu'il portait aussi physiquement. On lui trouvait encore une autre ressemblance, et je me souviens que lorsqu'il me conduisait au pensionnat, mes maîtresses de l'abbaye avaient coutume de dire qu'il en rappelait Saint-Joseph. C'était, en effet, l'homme juste par excellence, et quand je veux me figurer Saint-Joseph, je pense tout de suite à mon père. Quant à notre sainte petite Thérèse, elle a déclaré « Si un père de la terre est si idéal, si parfait, que ne doit pas être le bon Dieu ?» En lui donnant un père incomparable, dont la bonté lui était une première image de la bonté du Père des cieux, le Seigneur l'a préparé à pénétrer mieux que quiconque la paternité divine, qui lui valut cette piété filiale envers Dieu, sur laquelle est axée tout entière sa petite voie d'enfance spirituelle. Oui, j'en conviens humblement, nos pieux parents ont bien mérité de donner au monde cette petite Thérèse, dont les dévots pèlerins ont déposé, sur leur tombe, ce témoignage de reconnaissance, ex voto gravé en lettres d'or. Merci, chers parents chrétiens, de nous avoir donné une petite sainte pour nous protéger. Cette petite Thérèse dont le bienheureux pape Pie X a commencé la cause, dont Benoît XV a exalté la doctrine d'enfance spirituelle. Cette petite heureuse que Pie X a canonisée et nommée patronne des missions et qu'il appelait une parole de Dieu, l'enfant chéri du monde entier. Enfin, que sa sainteté Pie XII a élu patronne de France, avec sainte Jeanne d'Arc. On peut, en toute vérité, leur appliquer le mot évangélique. C'est à son fruit que vous reconnaîtrez l'arbre. Nos pieux parents avaient voulu tous deux entrer dans la vie religieuse et Dieu en avait décidé autrement, mais ils souhaitèrent du moins offrir au Seigneur un prêtre, un missionnaire. Hélas, quelle déception ils durent avoir quand, après la mort de mes deux petits frères, je vins au monde, ce qui portait à cinq le nombre de leurs filles. Dans le secret de leur cœur, ils persistaient néanmoins à espérer la bénédiction de Dieu sur leur foyer attristé. La visite d'Andine du Mans, sœur de ma mère, ne leur disait-elle pas que le Seigneur avait voulu s'attribuer les prémices, pour éprouver leur foi, mais que, sûrement, il comblerait leur désir en accordant le grand Saint-Ange souhaité. Cependant, après moi, une autre petite fille prit place dans la famille, mais pour s'envoler presque aussitôt dans le ciel. Puis ce fut la septième fille, et neuvième enfant, Thérèse. Humainement, ils avaient fait tout ce qu'ils avaient pu pour donner à Dieu un missionnaire. Leurs espoirs semblaient anéantis et pourtant nul regret ne leur échappa pas. Avant tout, ils vivaient d'abandon total à Dieu et s'en remettaient complètement à la divine providence. Cette parole du psalmiste traduit le geste spontané de leur propre cœur. « Je veux bénir le Seigneur en tout temps, constamment sa louange sera sur mes lèvres. » Déçu du côté du sacerdoce, notre mère n'aspira alors qu'à voir toutes ses filles embrasser la vie religieuse. Elle mourut prématurément, et ce fut notre bon père qui accomplit l'offrande, en acceptant généreusement leur vocation à toutes les cinq. Assurément, notre milieu profondément chrétien était de nature à favoriser un appel. Néanmoins, jamais nos parents ne nous influencèrent. Maman avait bien pressenti que Pauline irait au couvent. Thérèse en parle dans son autobiographie et rattache à la première annonce, encore imprécise, De la vocation de Pauline son premier attrait pour la vie religieuse. Pourtant, au Buissonnet, nul d'entre nous ne pensait au Carmel. Le monastère de la rue de l'Hiver nous faisait plutôt peur avec ses grilles et les urnes funéraires qui ornaient alors sa porte d'entrée. Notre père s'attendait à voir sa seconde fille partir à la visitation du Mans, où notre tante avait vécu et était morte saintement. Mais le 16 février 1882, après une grâce de lumière reçue en l'église Saint-Jacques, Pauline lui annonça son désir d'entrer au Carmel. Il ne fit aucune opposition et demanda seulement si sa santé s'accommoderait d'une règle si austère. L'après-midi, l'ayant rencontré, il lui dit « Je t'ai permis, pour ton bonheur, d'entrer au Carmel, mais ne crois pas que ce soit sans sacrifice de ma part, car je t'aime tant. » Il l'accompagna lui-même au monastère, le 2 octobre suivant, la conduisit à l'hôtel pour sa prise d'habit. Le 6 avril 1883, car à cette époque, comme plus tard pour Thérèse, on sortait du cloître après avoir revêtu la robe blanche d'épousée. Le 8 mai 1884, au soir de la profession de sœur Agnès de Jésus qui se fit, suivant les constitutions, devant les seules religieuses, il lui amena la petite Thérèse qui avait fait, ce même jour, sa première communion, dans la chapelle des Bénédictines. Le 16 juillet de cette même année, il assista, dans le sanctuaire, près de la grille du chœur, à la prise de voile de sa chère Pauline. En toutes ces circonstances, il fut très courageux et sa foi digne d'admiration. En octobre 1886, Marie devant rejoindre sœur Agnès de Jésus au Carmel, mon père voulut lui faire faire un dernier pèlerinage sur la tombe de notre mère chérie et nous emmena toutes les quatre à Alençon. Là, brusquement, Léonie, dans une visite aux Clarisses, confia à la mère abbesse son désir d'être admise dans sa communauté et même d'y rester immédiatement. Quand ce cher petit père dut nous annoncer la chose, il était gêné. Marie s'en montrait très mécontente, Thérèse et moi, nous étions bien affligés. Pour lui, aussi patient que surnaturel, il excusa de son mieux notre sœur, car il était la charité même. Nous revîmes Léonie derrière la grille, avec l'habit des postulantes. Nous pensions bien que cela ne durerait pas. De fait, elle dut sortir, pour raison de santé, quelques semaines plus tard, le 12 décembre. Notre père ne lui fit aucun reproche, mais, au contraire, il la consola et l'encouragea avec beaucoup de délicatesse. Licence Creative Commons CC3.0F, pas d'usage commercial, partage à l'identique, markendanarchive.org, d'après, phpbbserver.com/forum michael/monique.